La radiodiffusion française présente sa matinée classique, donnée avec le concours de la Société des comédiens français. Au cours de cette émission, vous entendrez successivement Don Juan ou Le Festin de Pierre, cinq actes en prose de Molière, et L'École des Maris, trois actes en vers de Molière, sous la direction artistique de Jacques Régnier. L'interdiction du Tartuffe, après l'unique représentation du 12 mai 1664, privait Molière d'une comédie dont il avait escompté gloire et profit. Son misanthrope n'était pas prêt. Il lui fallut improviser une grande pièce capable de ramener la foule à son théâtre. Or, depuis quelques années, sur trois scènes de Paris, le Festin de Pierre, par son fantastique et ses machines, avait successivement attiré un public qui ne s'en rassasiait point. Molière s'empara de ce sujet qui lui promettait un succès facile et sûr. En est Don Juan, donné pour la première fois au Palais Royal le dimanche 15 février 1665, réussit bien et fut joué 15 fois jusqu'aux fêtes de Pâques. Mais après ces fêtes, on ne le vit plus reparaître et la 16e représentation de la pièce de Molière dans son théâtre n'eut lieu que deux siècles plus tard, le 15 janvier 1847. Une interdiction secrète donnée par le roi à contre-cœur, puisque quelques mois plus tard, en accordant à Molière une pension de 6000 livres, il lui marquait publiquement sa faveur, avait seul pu empêcher de poursuivre les représentations. Bien que le privilège eût été obtenu pour l'impression, la pièce ne parut point en librairie. Les ennemis de Molière, les dévots scandalisés et les faux dévots qui avaient supprimé Tartuffe, réussissaient donc à étouffer beaucoup mieux encore Don Juan, tandis que l'un d'eux, sous le nom du sieur de Rochemont, publiait un âpre libelle contre une comédie que l'on pouvait croire à jamais morte. Voici la distribution de Don Juan. Messieurs Maurice Escande, Don Juan. Maurice Chambreuil, Don Louis. Jean Martinelli, Don Carlos. Robert Manuel, Sganarelle. Raoul Henry, Don Alonze. Maurice Portera, Monsieur Dimanche. Marco Béard, le pauvre. Jacques Ezer, la statue du commandeur. Henri Marchand, la violette. François Vibert, Gussement. Teddy Billis, Pierrot. Paul Écoffard, un spectre. Tony Jacquot, ragotin. Jean-Louis Le Goff, la ramée. Mesdames Annie Ducot, Elvire. Jacqueline Duc, Charlotte. Denise Pezzani, Mathurine. Premier acte. En Sicile, dans une salle d'un palais, Sganarelle, le valet de Don Juan, s'entretient avec Gussement, l'écuyer de Donia Elvire. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'y a rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens, et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu, et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve, on n'attend pas même qu'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gussement, que Donia Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et la raison encore, dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur qu'il est obligé à partir? Non, pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire. Non, c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage.

et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Scadarelle, le ciel. Vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame... Il suffit, je n'en veux pas jouir davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise, amoureux. Ah, quel abominable maître me vois-je obligé de servir. Deuxième acte. Une campagne au bord de la mer. Arrivent deux jeunes paysans, Charlotte et Pierrot. Naudin, Pierrot, tu t'es trouvé là bien à point. Parguen, il s'en est pas fallu l'épaisseur d'une éplague qu'ils se seyent enneillés tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la mare. Agaquin, Charlotte, je m'en vais te compter tout findré comme cela est venu. Car comme dit l'autre, je les ai le premier avisé. Avisé le premier, je les ai. Enfin donc, j'étions sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des mottes d'otards que je nous gestions à la tête. Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler, et moi parfois, je batifole tout. En batifolant donc, puisque batifoler y a, j'aperçus tout loin quelque chose qui grouillait dans l'eau, et qui venait comment vers nous, par secousse. Je voyais ça fixiblement. Et puis tout d'un coup, je voyais que je voyais plus rien. Et Lucas, c'est je fais. Je pense qu'on v'là des hommes qui nageant là-bas. Voir, ce m'a-t-il fait. T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. False engaine, c'est je fais, j'ai point la vue trouble. Ce sont des hommes. Pas du tout, ce m'a-t-il fait, t'as la berlue. Veux-tu gager, c'est je fais, que j'ai point la berlue, c'est je fais, que ce sont deux hommes, c'est je fais, qui nageant droit ici, c'est je fais. Morgane, ce m'a-t-il fait. Je gâche que non. Oh, ça, c'est je fais. Veux-tu gager 10 sols que si. Je vaux bien ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, voilà argent sur jeu ce m'a-t-il fait. Moi, j'ai pas été ni fou ni étourdi. J'ai bravement bouté à terre 4 pièces tapées et 5 sols en double, Jernigan. Aussi hardiment que si j'avais avalé un verre de vin. Car je suis hasardeux, moi. Je vais à la débandade. Je savais bien ce que je faisais pourtant, que gnier. Enfin donc, j'avons pas plutôt eu gagé que j'avons vu les deux hommes tout à plein qui nous faisant un signe de les aller quérir. Et moi, tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, et je dis, tu vois bien qu'ils nous appelons, allons vite à leur secours. Non, ce m'a-t-il dit, ils m'ont fait perdre. Oh, donc tant qu'il y a qu'à la parfum, pour le faire court, je l'ai tant sermonné que je nous sommes boutés dans une barque, et puis j'avons tant fait qu'un cas que je les avons tirés de l'eau, et puis je les avons menés chez nous auprès du feu, et puis ils sont dépouillés tout nus pour se sécher. Et puis il en est venu encore deux de la même bande qui s'acquiont sauvé tout seul, et puis Maturine est arrivé là, qu'il en a fait les 12 yeux, et voilà justement, Charlotte, comme tout ça s'est fait. Mais ne m'as-tu pas dit, Pierrot, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Oui, c'est le maître. Il faut que ce soit que gros, gros monsieur, car il a du d'or à son habit tout depuis le haut jusqu'en bas. Et ceux qui le servent sont des messieurs eux-mêmes. Cependant, tout grand monsieur qu'il est, il serait par ma figue neillé si je n'avais pas été là. Arde un peu. Ah, Parguen, sans doute, il en avait pour sa mène de fève. Es-tu encore chez toi tout nu, Pierrot? Non, non. Ils l'avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, j'en avais jamais vu s'habiller. Que d'histoire et d'angigorgnaux boutons ces messieurs-là, les courtisans. Je me perdrais là-dedans pour moi. Et j'étais tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils avons des cheveux qui tenons point à leur tête. Oh. Et ils boutons ça après tout comme un gros bonnet de filasse. Ils ont des chemises qui ont des manches où j'entrerions tout brandi, toi et moi. En lieu de autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En lieu de pourpoint de petites brassières qui ne leveront pas jusqu'au brichet. Et en lieu de rabat, un grand mouchoir de cou à risio avec 4 grosses houppes de linge qui leur pendent sur l'estomac. Et ils avons tout d'autres petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et puis parmi tout ça, tant de rubans, tant de rubans. C'est une vraie pitié. Il n'y a pas jusqu'au soulier qui n'en soit farci tout de pied à un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me romprais le cou avec. Oh, par ma fille Pierrot, il faut que j'aille voir pas ça. Ah, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai quelque chose à te dire, moi. Oh, eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débande mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien, et je somme pour être mariés ensemble. Mais Morgan, je suis pas satisfait de toi. Mais comment, qu'est-ce donc qu'il y a? Il y a que tu me chagrines l'esprit, franchement. Mais comment donc? T'es gagne tu m'aimes, point. Oh, n'est que ça. Ah oui, ce n'est que ça, c'est bien assez. Oh, mon Dieu, Pierrot. Tu me viens toujours dire la même chose. Mais je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, je te dirais pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Jenigan, je veux que tu m'aimes. Est-ce que je ne t'aime pas? Non, tu m'aimes pas. Et si, je fais tout ce que je puis pour ça. Je t'achète sans reproche des rubans à tous les marchés qui passent. Je me rends le cou à t'aller dénicher des marles. Je vais jouer pour toi les violeux quand se vient ta fête. Et tout ça comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu? Ça n'est ni bio ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Oh, mais mon Dieu, je t'aime aussi. Ouais, tu m'aimes. C'est une belle dégaine. Mais comment veux-tu donc qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand on aime comme il faut. Mais ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Non. Quand ça est, ça se voit. Et on fait mille petites singeries aux personnes quand on les aime du bon du cœur. Regarde, la grosse Thomas, comme elle est à sauter du jeune Robin, elle est toujours autour de lui à gasser, elle ne laisse jamais en repos. Toujours elle y fait coqueniche ou lui baille quelque talonche en passant. L'autre jour, qu'il était assis sur un escabeau, elle fut le tirer de sous lit et elle fit choir tout son long par terre. Journey, là où l'on voit les gens qui aimons, mais toi, tu me dis jamais mot. T'es toujours là comme une vraie souche de bouée. Je passerai 20 fois devant toi que tu ne grouillerais pas pour me barrer le moindre coup, me dire la moindre chose. Votre gaine, c'est pas bien après tout. T'es trop froide avec les gens. Que veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur et je ne me pire fond. Il y a une humeur qui tienne. Quand on a de l'amitié pour des personnes, on en baille toujours que comme petite signifiante. Enfin, je t'aime tout autant que je puis. Et si tu n'es pas content de ça, tu n'as qu'à en aimer qu'autre. Ah ben, là pas mon compte. T'es tigué, si tu m'aimais, me dirais-tu ça? Mais pourquoi me viens-tu aussi t'arabuster l'esprit? Morgue, comme elle te fait, je te demande qu'un peu d'amitié. Eh bien, laisse faire aussi, ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra tout d'un coup sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Eh bien, qu'un... Promets-moi donc que tu tâcheras de m'aimer davantage. J'y ferai tout ce que je pourrai. Mais il faut que ça vienne de lui-même. Oh, Pierrot, est-ce là ce monsieur? Oui, le voilà. Oh mon Dieu, qu'il est gentil. Et que ça aurait été dommage qu'il lui ait naillé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire Chopin pour me rebouter tant soit peu de la fatigue que j'ai eue. Nous avons manqué notre coup, Ganarel. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais, à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Et je lui ai trouvé des charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que me donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné de prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies accoutumées et vos amours... Paix, coquin que vous êtes, vous ne savez ce que vous dites. Et monsieur, c'est ce qu'il fait. Oh, d'où sort cette autre paysanne? Sganarelle, as-tu rien vu de plus joli? Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément, autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle, une rencontre si agréable? Quoi, dans ces lieux champêtres, parmi ces arbres et ces rochers, on trouve des personnes faites comme vous êtes? Vous voyez, monsieur. Oh, êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte, pour vous servir. Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Oh, monsieur, vous me rendez toute honteuse. Oh, n'ayez point de honte d'entendre dire vos vérités. Ganaël, qu'en dis-tu? Peut-on rien voir de plus agréable? Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, que cette taille est jolie. Haussez un peu la tête de grâce. Oh, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux entièrement. Oh, qu'ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, qu'elles sont amoureuses et ces lèvres appétissantes. Pour moi, je suis ravie et je n'ai jamais vu une si charmante personne. Oh, monsieur, cela vous plaît à dire. Je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi? Me railler de vous. Oh, Dieu m'en garde. Je vous aime trop pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Je vous suis bien obligée, si ça est. Mais pas du tout, vous ne m'êtes point obligée de tout ce que je dis, et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Oh, monsieur, c'est, tout ça est trop bien dit pour moi, et je n'ai pas d'esprit pour vous répondre. Ganarel, regarde un peu ses mains. Oui. Oh, fi, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Oh, que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Oh, souffrez, que je les baise, je vous prie. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, je n'aurais pas manqué de les laver avec du sang. Et dites-moi un peu, belle Charlotte, vous n'êtes pas mariée sans doute. Oh non, monsieur, mais je dois bientôt l'être avec Pierrot, le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Ah non, non, c'est profaner tant de beauté, et vous n'êtes pas née pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune, et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et de vous mettre dans l'état où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, sans doute. Mais quoi, c'est un effet, Charlotte, de votre grande beauté, et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Oh, si vrai, monsieur, je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait aise. J'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs. Et que vous autres courtisans êtes des enjôleux qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Nagarde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi, j'aurais l'âme assez méchante pour abuser une personne comme vous. Je serais assez lâche pour vous déshonorer. Ah non, non, j'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt, quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà, de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point. Il se mariera avec vous, tant que vous voudrez. Oh, Charlotte, je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des gens qui ne cherchent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis, votre beauté vous assure de tout. Quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je l'avoue, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh mon Dieu, je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Lorsque vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Et je vous réitère encore la promesse que je vous ai faite. Ne l'acceptez-vous pas et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Oh, mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables, que le ciel... Moi, je ne jurerai point, je vous crois. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Oh, monsieur... Oh. Attendez que je sois mariée, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Oh, doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop, vous pourriez gagner la purésie. Qui m'amène cet impertinent? Je vous dis que vous vous teignez et que vous ne caressez point nos accordés. Oh, que de bruit. Ah, Jenigen, c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Ah, mais laisse-le faire aussi, Pierrot. Comment que je le laisse faire? Je veux pas, moi. Ah, Titigen, parce que vous êtes monsieur, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe, allez-vous en caresser les vôtres. Tétiguet, ne me frappez pas. Ah, Jerniguet, votre gay. Falsoguet, Marguet, c'est pas bien de battre les gens. Et c'est pas là la récompense de vous avoir sauvé d'être nayé. Oh, Pierrot, ne te fâche pas. Et je veux me fâcher. T'es une vilaine, toi, d'endurer contre cajole. Oh, Pierrot, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser. Tu ne dois point te bouter en colère. Comment, Jorny? Tu m'es promis. Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, ne dois-tu pas être bien à ce que je devienne madame? J'ai de Guinée. Non, j'aime mieux te voir crever que te voir à un autre. Oh, mais va, va, Pierrot, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Et tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Votre Guinée, je n'y apporterai jamais quand tu m'apparais 2 fois autant. Est-ce donc comme ça que t'écoutes ce qu'il dit? Morgan, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de l'eau. Je lui aurais payé beaucoup de vélo sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Je ne crains personne. Et attends-moi un peu. Je me moque de tout, moi. Voyons cela. J'en avons vu bien d'autres. Oui. Eh, monsieur, laissez-la ce pauvre misérable. C'est conscience de le battre. Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi et ne lui dis rien. Et je veux lui dire, moi. Je veux t'apprendre. Peste-toi du marou. Te voilà payé de ta charité. Jeannie, je vais dire à sa tante tout ce ménage-ci, moi. Enfin, je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes et je ne changerai pas mon bonheur à toute chose du monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme et que... Monsieur, que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, non, au contraire. Et c'est elle qui me témoignait une envie d'être ma femme et je lui répondais que j'étais engagé à vous. Qu'est-ce que c'est donc vous veut, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurine? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne noterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien. C'est une folle. Je pense... Laissez-la. C'est une extravagance. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh là, Charlotte! Ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse quand monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. Si elle vous a vu la première, il m'a vu la seconde. Et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? Mais à d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous vous moquez des gens, c'est moi encore un coup. Mais le v'là qui est pour le dire si je n'ai pas raison. Le v'là qui est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Mais est-ce, monsieur, que vous lui avez promis de l'épouser? Vous vous raillez de moi. Es-tu vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Oh, pouvez-vous avoir cette pensée? Et vous voyez qu'elle le soutient. Laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'assure. Laissez-la dire. Non, non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous montre votre baie jaune. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu Camus. Oh, monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Vite. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également, toutes les deux, que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire... et non pas dire, et les effets décident mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je veux vous mettre d'accord, et l'on verra quand je me marierai, laquelle des deux à mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore, je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner et je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Ah, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez point à toutes les contes qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Je voudrais bien savoir pourquoi ce Sganarelle ne me suit pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a dessein que de vous abuser. Et on a abusé bien d'autres. C'est l'épouseur du genre humain. Cela est faux. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain. Il n'est point fourbe. Il n'a pas dessein de vous tromper. Et n'en a point abusé d'autres. Ah, tenez, le voilà. Demandez-lui plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses. Et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire. Et ne manquassent pas de lui dire qu'il en aurait menti. Sganarelle. Et oui, monsieur, oui. Monsieur est un homme d'honneur, je le garantis tel. Ce sont des impertinents. Monsieur, je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment? 12 hommes à cheval vous cherchent qui doivent arriver ici dans un moment. Je ne sais pas par quel moyen ils peuvent vous avoir suivi, mais j'ai appris cette nouvelle d'un paysan qu'ils ont interrogé et auquel ils vous ont dépeint. L'affaire presse, et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Oh, une affaire pressante m'oblige de partir d'ici.

C'est une fort mauvaise politique que de se faire seller aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un double. Oh! Monsieur Dimanche, approchez, que je suis ravi de vous voir. Et que je veux mal à mes gens de ne vous avoir fait entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler à personne, mais cet ordre n'est pas pour vous, et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu, coquin! Je vous apprendrai à laisser Monsieur Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comme? Vous dire que je n'y suis pas. À Monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Oh, monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu... Allons vite! Un siège pour Monsieur Dimanche. Oh, monsieur, je suis bien comme cela. Point, point, je veux que vous soyez assis contre moi. Mais ça n'est point nécessaire. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, je sais ce que je vous dois et je ne veux point qu'on mette de différence entre nous deux. Oh, monsieur. Allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur, et je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais... Mettez-vous là, vous dis. Non, monsieur, je suis bien. Je viens non, pour... Non, ne vous écoute point si vous n'êtes assis. Ah, monsieur, je fais ce que vous voulez. Parbleu, monsieur Dimanche, vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Oh, je suis vous venu... Vous avez un fond de santé admirable. Oh. Des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Et je voudrais bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Et fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Je venais... Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est, je l'aime de tout mon cœur. Mais c'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Je vous... Et le petit Colin? Fais-tu le voyant toujours du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi, toujours bien aux jambes, les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne saurions en cheville. Ah, ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous en sommes, monsieur, infiniment obligés. Touchez donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Oh, monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Mais cela, sans intérêt, je vous prie de le croire. Mais je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais monsieur... Oh, ça, monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne sur l'heure. Non, vite, un flambeau pour conduire Monsieur Dimanche, et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Monsieur, il n'est pas nécessaire et je m'en irai bien tout seul, mais... Comment? Mais je veux qu'on vous escorte et je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur et de plus, votre débiteur. Oh, monsieur... C'est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le monde. Et si... Voulez-vous que je vous reconduise? Oh, monsieur, vous vous moquez, monsieur. Non, brassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai. Il me fait tant de civilité, tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose, que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Mais je le crois. Mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Fuis, ne parlez pas de cela. Là. Non, mais je... Non, ne sais-je pas bien ce que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent... Vous moquez-vous. Mais je vais... Je ne pas gâter. Monsieur, voilà monsieur votre père. Oh, me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse. Et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre, et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut, quand nous voulons être plus avisés que lui, et que nous venons à l'importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de mes voeux est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. Le Cueilleuil, à votre avis,

La scène se passe à Paris. Sur une place, on aperçoit les maisons de Sganarel, de Valère et du commissaire. Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant, et que chacun de nous vive comme il l'entend. Bien que sur moi, des ans, vous ayez l'avantage et soyez assez vieux pour devoir être sage, je vous dirai pourtant que mes intentions sont de ne prendre point de vos corrections, que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre, et me trouve fort bien de ma façon de vivre. Mais chacun la condamne. Oui, des fous comme vous, mon frère. Oh, merci, le compliment est doux. Je voudrais bien savoir, puisqu'il faut tout entendre, ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre. Cette farouche humeur dont la sévérité fuit toutes les douceurs de la société à tous vos procédés inspire un air bizarre et, jusque à l'habit, rend tout chez vous barbare. Il est vrai qu'à la mode, il faut m'assujettir. Et ce n'est point pour moi que je me dois vêtir. Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes, monsieur mon frère aîné, car Dieu merci, vous l'êtes, d'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer. Et cela ne vaut pas la peine d'en parler. Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières, de vos jeunes muguets m'inspirer les manières, m'obliger à porter de ces petits chapeaux qui laissent éventer leur débile cerveau, et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure des visages humains offusque la figure, de ces petits pourpoints sous les bras se perdant, et de ces grands collets jusqu'au nombril pendant, de ces manches qu'à table on voit tâter les sauces, et de ces cotillons appelés autre chose, de ces souliers mignons de rubans revêtus qui vous font ressembler à des pigeons pattus, et de ces grands canons où, comme en des entraves, on met tous les matins ces deux jambes esclaves, et par qui nous voyons ces messieurs les galants marcher écarquillés ainsi que des volants. Je vous plairais sans doute équipé de la sorte. Et je vous vois porter les sottises qu'on porte. Toujours au plus grand nombre, on doit s'accommoder. Et jamais il ne faut se faire regarder. L'un et l'autre excès choque. Et tout homme bien sage doit faire des habits ainsi que du langage. Ni rien trop affecté. Et sans empressement suivre ce que l'usage y fait de changement. Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode de ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode et qui, dans cet excès dont ils sont amoureux, seraient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux. Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde, de fuir obstinément ce que suit tout le monde et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous que du sage parti se voir seul contre tous. Cela sans son vieillard qui, pour en faire à croire, cache ses cheveux blancs d'une perruque noire. C'est un étrange fait du soin que vous prenez à me venir toujours jeter mon âge au nez, et qu'il faille qu'en moi sans cesse je vous vois blâmer l'ajustement aussi bien que la joie. Comme si, condamné à ne plus rien chérir, la vieillesse devait ne songer qu'à mourir, et d'assez de laideur n'est pas accompagnée sans se tenir encore malpropre et rechignée. Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement à ne démordre point de mon habillement. Je veux une coiffure en dépit de la mode, sous qui toute ma tête est un abri commode. Un bon pourpoint bien long et fermé comme il faut, qui, pour bien digérer, tienne l'estomac chaud. Un autre chose fait justement pour ma cuisse. De souliers où mes pieds ne soient point au supplice, ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux, et qui me trouvent mal là qu'à fermer les yeux. Je me charge de tout en cas que l'on vous gronde. Toujours dans une chambre à ne point voir le monde? Il est ainsi bâti. Je vous en plains, ma sœur. Bien vous prend que son frère est toute une autre humeur, madame. Et le destin vous fut bien favorable en vous faisant tomber aux mains du raisonnable. C'est un miracle encore qu'il ne m'ait aujourd'hui enfermé à la clé ou mené avec lui. Ma foi, je l'enverrais au diable avec sa fraise et... Où donc allez-vous qu'il ne vous en déplaise? Nous ne savons encore et je pressais ma sœur de venir du beau temps respirer la douceur, mais... Pour vous, vous pouvez aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à courir, vous voilà deux ensemble. Mais vous, je vous défends, s'il vous plaît, de sortir. Et laissez-les, mon frère, aller se divertir. Je suis votre valet, mon frère. La jeunesse veut... La jeunesse est sotte, et parfois la vieillesse. Croyez-vous qu'elle est mal d'être avec Léonore? Non pas, mais avec moi, je la crois mieux encore. Mais ses actions de moi doivent dépendre. Et je sais l'intérêt, enfin, que j'y dois prendre. À celle de sa sœur, ai-je un moindre intérêt? Mon Dieu, chacun raisonne et fait comme il lui plaît. Elles sont sans parents, et notre ami, leur père, nous commit leur conduite à son heure dernière. Et nous chargeons tous deux, ou de les épouser, ou sur notre refus, un jour, d'en disposer, sur elles, par contrat, nous sus dès leur enfance, et de père et d'époux donner pleine puissance. D'élever celle-là, vous prête le souci. Et moi, je me chargeais du soin de celle-ci. Selon vos volontés, vous gouvernez la vôtre. Laissez-moi, je vous prie, à mon gré, régir l'autre. Il me semble... Il me semble, et je le dis tout haut, que sur un tel sujet, c'est parler comme il faut. Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante. Je le veux bien. Qu'elle est, et laquais, et suivante, j'y consens. Qu'elle court, aime l'oisiveté, et soit des damoiseaux fleurés en liberté. J'en suis fort satisfait. Mais j'entends que la mienne vive à ma fantaisie, et non pas à la sienne. Que d'une serge honnête elle est son vêtement, et ne porte le noir qu'au bon jour seulement. Qu'enfermée au logis, en personne bien sage, elle s'applique tout aux choses du ménage, à recoudre mon linge aux heures de loisir, ou bien à tricoter quelques bas par plaisir. Au discours des muguets, elle ferme l'oreille, et ne sorte jamais sans avoir qui la veille. Enfin, la chair est faible et j'entends tous les bruits. Je ne veux point porter de cornes, si je puis. Et comme à m'épouser, sa fortune l'appelle, je prétends corps pour corps pouvoir répondre d'elle. Vous n'avez pas sujet que je crois... Taisez-vous. Je vous apprendrai bien s'il faut sortir sans nous. Quoi donc, monsieur? Mon Dieu, madame, sans langage. Je ne vous parle pas, car vous êtes trop sage. Voyez-vous Isabelle avec nous à regret? Oui, vous me la gâtez, puisqu'il faut parler d'être. Vos visites ici ne font que me déplaire. Et vous m'obligerez de ne nous en plus faire. Voulez-vous que mon cœur vous parle net aussi? J'ignore de quel œil elle voit tout ceci. Mais je sais ce qu'en moi ferait la défiance. Et quoique même sang nous ait donné naissance, nous sommes bien peu sœurs. Il faut que chaque jour vos manières d'agir lui donnent de l'amour. En effet, tous ces soins sont des choses infâmes. Sommes-nous chez les Turcs pour renfermer les femmes? Car on dit qu'on les tient esclaves en ce lieu et que c'est pour cela qu'ils sont maudits de Dieu. Notre honneur est, monsieur, bien sujet à faiblesse s'il faut qu'il ait besoin qu'on le garde sans cesse. Pensez-vous, après tout, que ces précautions servent de quelque obstacle à nos intentions? Et quand nous nous mettons quelque chose à la tête, que l'homme le plus fin ne soit pas une bête? Toutes ces gardes-là sont des visions de fous. Le plus sûr est, ma foi, de se fier en nous, qui nous gêne, se met en un péril extrême, et toujours notre honneur veut se garder lui-même. Ça nous inspirait presque un désir de péché que montrait tant de soins de nous en empêcher. Et si par un mari je me voyais contrainte, j'aurais fort grande pente à confirmer sa crainte. Voilà, beau précepteur, votre éducation. Et vous souffrez cela sans nulle émotion. Mon frère, son discours ne doit que faire rire. Elle a quelques raisons à ce qu'elle veut dire. Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté. On le retient fort mal par tant d'austérité. Et les soins défiants, les verres rouges et les grilles ne font pas la vertu des femmes ni des filles. C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir, non la sévérité que nous leur faisons voir. C'est une étrange chose à vous parler sans fin qu'une femme qui n'est sage que par contrainte. En vain, sur tous ces pas nous prétendons régner, je trouve que le cœur est ce qu'il faut gagner. Et je ne tiendrai, moi, quelques soins qu'on se donne, mon honneur guère sûr, aux mains d'une personne à qui, dans les désirs qui pourraient l'assaillir, il ne manquerait rien qu'un moyen de faillir. Chanson que tout cela. Soit, mais je tiens sans cesse qu'il nous faut, en riant, instruire la jeunesse, reprendre ses défauts, avec quelque douceur, et du nom de vertu, ne lui point faire peur. Mes soins pour Léonore ont suivi ses maximes. Des moindres libertés, je n'ai point fait des crimes. À ses jeunes désirs, j'ai toujours consenti, et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, les divertissements, les bals, les comédies. Ce sont choses pour moi que je tiens de tout temps, fort propres à former l'esprit des jeunes gens. Et l'école du monde, en l'air dont il faut vivre, instruit mieux à mon gré que ne fait aucun livre. Elle aime à dépenser en habits, linge et nœuds, que voulez-vous? Je tâche à contenter ses voeux, et ce sont des plaisirs qu'on peut, dans nos familles, lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes filles. Un ordre paternel l'oblige à m'épouser, mais mon dessein n'est pas de la tyranniser. Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère, et je laisse à son choix liberté tout entière. Si 4 000 écus de rente bienvenants, une grande tendresse et des soins complaisants peuvent, à son avis, pour un tel mariage, réparer entre nous l'inégalité d'âge, elle peut m'épouser, sinon choisir ailleurs. Je consens que sans moi, ses destins soient meilleurs. Et j'aime mieux la voir dans un autre hyménée que si contre son gré, sa main m'était donnée. Et qu'il est doucereux, c'est tout sucre et tout miel. Enfin, c'est mon humeur, et j'en rends grâce au ciel. Je ne suivrai jamais ces maximes sévères qui font que les enfants comptent les jours des pères. Mais ce quand la jeunesse on prend de liberté, ne se retranche pas avec facilité. Et tous ces sentiments suivront mal votre envie, quand il faudra changer sa manière de vie. Et pourquoi la changer? Pourquoi? Oui. Je ne sais. Y voit-on quelque chose où l'honneur soit blessé? Quoi? Si vous l'épousez, elle pourra prétendre les mêmes libertés que fille on lui voit prendre? Pourquoi non? Vos désirs lui seront complaisants, jusque à lui laisser et mouches et rubans? Sans doute. À lui souffrir en cervelle troublée, de courir tous les bals et les lieux d'assemblée? Oui, vraiment. Et chez vous iront les damoiseaux? Et quoi donc? Qui joueront et donneront cadeaux. D'accord. Et votre femme entendra les fleurettes. Fort bien. Et vous verrez ces visites muguettes d'un œil à témoigner de n'en être point souffle. Cela s'entend. Allez, vous êtes un vieux fou. Rentrez pour nouir point cette pratique infâme. Je veux m'abandonner à la foi de ma femme et prétends toujours vivre ainsi que j'ai vécu. Que j'aurai de plaisir si l'on le fait cocu. J'ignore pour quel sort mon astre m'a fait naître, mais je sais que pour vous, si vous manquez de l'être, on ne vous en doit point imputer le défaut, car vos soins pour cela font bien tout ce qu'il faut. Riez donc, beau rieur. Oh, que cela doit plaire de voir un goguenard presque sexagénaire. Du sort dont vous parlez, je le garantis, moi, s'il faut que par l'hymen il reçoive ma foi. Il s'y peut assurer. Mais sachez que mon âme ne répondrait de rien si j'étais votre femme. Faites conscience à ceux qui s'assurent en nous, mais c'est pain béni, certes, à des gens comme vous. Allez, langue maudite des plumes à la prise. Vous vous êtes, mon frère, attiré ces sottises. Adieu. Changez d'humeur et soyez avertis que renfermer sa femme est le mauvais parti. Je suis votre valet. Je ne suis pas le vôtre. Oh, que les voilà bien tous formés l'un pour l'autre. Quelle belle famille! Un vieillard insensé qui fait le damerai dans un corps tout cassé. Une fille maîtresse et coquette suprême. Des valets impudents. Non, la sagesse même n'en viendrait pas à bout. Perdrait sens et raison à vouloir corriger une telle maison. Isabelle pourrait perdre dans ses hantises les semences d'honneur qu'avec nous elle a prises. Et pour l'en empêcher, dans peu, nous prétendons lui faire aller revoir nos choux et nos dindons. Ergaste, le voilà cet Argus que j'aborde, le sévère tuteur de celle que j'adore. N'est-ce pas quelque chose enfin de surprenant que la corruption des mœurs de maintenant? Je voudrais l'accoster s'il est en ma puissance et tâcher de lier avec lui connaissance. Au lieu de voir régner cette sévérité qui composait si bien l'ancienne honnêteté, la jeunesse en ces lieux libertine absolue ne prend... Il ne voit pas que c'est lui qu'on salue. Son mauvais œil peut-être est de ce côté-ci. Passons du côté droit. Il faut sortir d'ici. Le séjour de la ville en moi ne peut produire que des... Il faut chez lui tâcher de m'introduire. Hé ? J'ai cru qu'on parlait. Au champ, grâce aux yeux, les sottises du temps ne blessent point mes yeux. Abordez-le. Plaît-il ? Les oreilles me cornent. Là, tous les passe-temps de nos filles se bornent. Est-ce à nous ? Approchez. Là, nul godelureau ne vient. Que diable ! Encore ! Que de coups de chapeau. Monsieur, un tel abord vous interrompt peut-être. Cela se peut. Mais quoi? L'honneur de vous connaître est un si grand bonheur, est un si doux plaisir que de vous saluer j'avais un grand désir. Soit. Et de vous venir, mais sans nul artifice, assurer que je suis tout à votre service. Je le crois. J'ai le bien d'être de vos voisins et je dois rendre grâce à mes heureux destins. C'est bien fait. Mais monsieur, savez-vous les nouvelles que l'on dit à la cour et qu'on tient pour fidèles? Comme importe. Il est vrai, mais pour les nouveautés, on peut avoir parfois des curiosités. Vous irez voir, monsieur. Cette magnificence que de notre dauphin prépare la naissance. Si je veux. Avouons que Paris nous fait part de son plaisir charmant qu'on n'a point autre part. Les provinces, sous près, sont des lieux solitaires. À quoi donc passez-vous le temps? À mes affaires. Je prive du relâche et succombe parfois par trop d'attachement aux sérieux emplois. Que faites-vous les soirs avant qu'on se retire? Ce qui me plaît. Sans doute, on ne peut pas mieux dire. Cette réponse est juste et le bon sens paraît à ne vouloir jamais faire que ce qui plaît. Si je ne vous croyais l'âme trop occupée, j'irai parfois chez vous passer l'après-souper. Serviteur! Que dis-tu de ce bizarre fou? Il a le repart brusque et l'accueil loup-garou. Oh, j'enrage! Et de quoi? De quoi? C'est que j'enrage de voir celle que j'aime au pouvoir d'un sauvage, d'un dragon surveillant dont la sévérité ne lui laisse jouir d'aucune liberté. C'est ce qui fait pour vous. Et sur ses conséquences, votre amour doit fonder de grandes espérances. Apprenez! Pour avoir votre esprit raffermi, qu'une femme qu'on garde est gagnée admis. Et que les noirs chagrins des maris ou des pères ont toujours du galant avancé les affaires. Je coquette fort peu, c'est mon moindre talent. Et de profession, je ne suis point galant. Mais j'en ai servi 20 de ces chercheurs de proie, qui disaient fort souvent que leur plus grande joie était de rencontrer de ces maris fâcheux, qui jamais, sans gronder, ne reviennent chez eux. De ces brutaux fiéfés, qui sans raison ni suite de leur femme en tout contrôlent la conduite et du nom de mari fièrement se parant leur rompent en visière aux yeux des soupirants. En un mot, ce vous est une attente assez belle que la sévérité du tuteur d'Isabelle. Mais depuis 4 mois que je l'aime ardemment, je n'ai, pour lui parler, pu trouver un moment. L'amour rend inventif, mais vous ne l'êtes guère. Et si j'avais... Mais qu'aurais-tu pu faire, puisque sans ce brutal, on ne la voit jamais. Et qu'il n'est là-dedans servante ni valet, dont, par l'appât flatteur de quelques récompenses, je puisse, pour mes feux, ménager l'assistance. Elle ne sait donc pas encore que vous l'aimez ? C'est un point dont mes voeux ne sont pas informés. Partout où ce farouche a conduit cette belle, elle m'a vu toujours comme une ombre après elle, et mes regards aux siens ont tâché chaque jour de pouvoir expliquer l'excès de mon amour. Mes yeux ont fort parlé, mais qui me peut apprendre si leur langage, enfin, a su se faire entendre? Ce langage, il est vrai, peut être obscur parfois, s'il n'a pour truchement l'écriture ou la voix. Oh, que faire pour sortir de cette peine extrême et savoir si la belle a connu que je l'aime? Dis-moi quelques moyens. C'est ce qu'il faut trouver. Entrons un peu chez vous, afin d'y mieux rêver. Va, je sais la maison. Et connais la personne aux marques seulement que ta bouche me donne. Oh ciel, sois-moi propice. Et seconde en ce jour le stratagème adroit d'une innocente amour. Dis-tu pas qu'on t'a dit qu'il s'appelle Valère? Oui. Va, sois en repos. Rentre et me laisse faire. Je vais parler sur l'heure à ce jeune étourdi. Je fais pour une fille un projet bien hardi. Mais l'injuste rigueur dont envers moi l'on use dans tout esprit bien fait me servira d'excuse. Ne perdons point de temps. C'est ici. Qui va là? Bon, je rêve. Hola, Yves. Hola, quelqu'un. Hola. Je ne m'étonne pas après cette lumière s'il y venait tantôt de si douce manière. Mais je veux me hâter, et de son fol espoir... Preste soin du gros bœuf, qui pour me faire choir se vient devant mes pas planté comme une perche. Monsieur, j'ai du regret. C'est vous que je cherche. Moi, monsieur. Vous. Valère, est-il pas votre nom? Oui. Je viens vous parler, si vous le trouvez bon. Puis-je être assez heureux pour vous rendre service? Non, mais je prétends, moi, vous rendre un bon office. Et c'est ce qui, chez vous, prend droit de m'amener. Chez moi, monsieur? Chez vous? Faut-il tant s'étonner? J'en ai bien du sujet, et mon âme ravie de l'honneur. Laissons là cet honneur, je vous prie. Voulez-vous pas entrer? N'en ai pas besoin. Monsieur de grâce! Non, je n'irai pas plus loin. Et tant que vous serez là, je ne puis vous entendre. Moi, je n'en veux bouger. Eh bien, il faut se rendre, vite. Puisque monsieur à cela se résout, donnez un siège ici. Je veux parler debout. Vous souffrir de la sorte. Oh, contrainte effroyable. Cette incivilité serait trop condamnable. C'en est une que rien ne saurait égaler de nuire pas les gens qui nous veulent parler. Je vous obéis donc. Vous ne sauriez mieux faire. Tant de cérémonies fort peu nécessaires. Voulez-vous m'écouter? Sans doute et de grand cœur. Savez-vous, dites-moi que je suis le tuteur d'une fille assez jeune et passablement belle qui loge en ce quartier et qu'on nomme Isabelle. Oui. Si vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Mais savez-vous aussi, lui trouvant des appâts, qu'autrement qu'en tuteur, sa personne me touche et qu'elle est destinée à l'honneur de ma couche? Non. Je vous l'apprends donc. Et qu'il est à propos que vos feux, s'il vous plaît, la laissent en repos. Qui? Moi, monsieur? Oui, vous. Mettons bas toute feinte. Qui vous a dit que j'ai pour elle l'âme atteinte? Des gens à qui l'on peut donner quelque crédit. Mais encore? Elle-même. Elle? Elle. Et ça s'est dit. Comme une fille honnête et qui m'aime d'enfance, elle vient de m'en faire entière confidence. Et de plus, m'a chargé de vous donner avis que depuis que par vous tous ses pas sont suivis, son cœur, qu'avec excès votre poursuite outrage, n'a que trop de vos yeux entendu le langage, que vos secrets désirs lui sont assez connus. Et que c'est vous donner des soucis superflus de vouloir davantage expliquer une flamme qui choque l'amitié que me garde son âme. C'est elle, dites-vous, qui de sa part vous fait... Oui, vous venir donner cet avis franc et net. Et qu'ayant vu l'ardeur dont votre âme est blessée, elle vous eût plutôt fait savoir sa pensée si son cœur avait eu dans son émotion à qui pouvoir donner cette commission. Mais qu'enfin, les douleurs d'une contrainte extrême l'ont réduite à vouloir se servir de moi-même. Pour vous rendre averti, comme je vous ai dit, qu'à tout autre que moi, son cœur est interdit. Que vous avez assez joué de la prunelle. Et que si vous avez tant soit peu de cervelle, vous prendrez d'autres soins. Adieu. Jusqu'au revoir. Voilà ce que j'avais à vous faire savoir. Ergast, que dis-tu d'une telle aventure? Le voilà bien surpris. Selon ma conjecture, je tiens qu'elle n'a rien de déplaisant pour vous. Qu'un mystère assez fin est caché là-dessous et qu'enfin cet avis n'est pas d'une personne qui veuille voir cesser l'amour qu'elle vous donne. Il en tient comme il faut. Tu crois mystérieux? Oui, mais il nous observe. Ôtons-nous de ses yeux. Que sa confusion paraît sur son visage! Il ne s'attendait pas sans doute à ce message. Appelons Isabelle. Elle montre le fruit que l'éducation dans une âme produit. La vertu fait ses soins et son cœur s'y consomme jusque à s'offenser des seuls regards d'un homme. J'ai peur que cet amant plein de sa passion n'ait pas, de mon avis, compris l'intention. Et j'en veux, dans les fers où je suis prisonnière, hasard des reins qui parlent avec plus de lumière. Me voilà de retour. Eh bien. Un plein effet a suivi tes discours et ton homme a son fait. Mais s'il voulait nier que son cœur fût malade... Mais lorsque de ta part j'ai marqué l'ambassade, il est resté d'abord émuet et confus. Et je ne pense pas qu'il y revienne plus. Ah, que me dites-vous? J'ai bien peur du contraire et qu'il ne nous prépare encore plus d'une affaire. Et sur quoi fondes-tu cette peur que tu dis? Vous n'avez pas été plutôt hors du logis, qu'ayant, pour prendre l'air, la tête à ma fenêtre, j'ai vu dans ce détour un jeune homme paraître, qui d'abord, de la part de cet impertinent, est venu me donner un bonjour surprenant. Emma, droit dans ma chambre, une boîte jetée qui renferme une lettre en poulet cacheté. J'ai voulu sans tarder lui rejeter le tout, mais ses pas de la rue avaient gagné le bout. Et je m'en sens le cœur tout gros de fâcherie. Voyez un peu la ruse et la friponnerie. Il est de mon devoir de faire promptement reporter boîte et lettre à ce maudit amant. Et j'aurais pour cela besoin d'une personne... Cardosée, à vous-même. Au contraire, mignonne. C'est me faire mieux voir ton amour et ta foi. Et mon cœur, avec joie, accepte cet emploi. Tu m'obliges par là plus que je ne puis dire. Tenez donc. Bon, voyons ce qu'il a pu t'écrire. Oh, ciel! Gardez-vous bien de l'ouvrir. Et pourquoi? Lui voulez-vous donner à croire que c'est moi? Une fille d'honneur doit toujours se défendre de lire les billets qu'un homme lui fait rendre. La curiosité qu'on fait lors éclater marque un secret plaisir de s'en ouïr conter. Et je trouve à propos que toute cachetée, cette lettre lui soit promptement reportée, afin que d'autant mieux il connaisse aujourd'hui le mépris éclatant que mon cœur fait de lui. Que ses feux désormais perdent toute espérance et n'entreprennent plus pareille extravagance. Certes, elle a raison lorsqu'elle parle ainsi. Va, ta vertu me charme, et ta prudence aussi. Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme, et tu te montres digne enfin d'être ma femme. Je ne veux pas pourtant gêner votre désir. La lettre est en vos mains et vous pouvez l'ouvrir. Non, je n'ai garde, hélas, tes raisons sont trop bonnes. Et je vais m'acquitter du soin que tu me donnes. À quatre pas de là, dire ensuite deux mots et revenir ici te remettre en repos. Donc, quel ravissement est-ce que mon cœur nage lorsque je vois en elle une fille si sage. C'est un trésor d'honneur que j'ai dans ma maison. Prendre un regard d'amour pour une trahison. Recevoir un poulet comme une injure extrême. Et le faire au galant, reporté par moi-même. Je voudrais bien savoir en voyant tout ceci si celle de mon frère en userait ainsi. Ma foi, les figues sont ce que l'on les fait être. Voilà! Tenez! Dites à votre maître qu'il ne s'ingère pas d'oser écrire encore des lettres qu'il envoie avec des boîtes d'or et qu'Isabelle en est puissamment irritée. Voyez, on ne l'a pas au moins décachetée. Il connaîtra l'état que l'on fait de ses feux et quel heureux succès il doit espérer d'eux. Que vient de donner cette farouche bête? Cette lettre, monsieur. Qu'avec cette boîte, on prétend qu'ait reçue Isabelle de vous, et dont elle est, dit-il, en un fort grand courroux. C'est sans vouloir l'ouvrir qu'elle vous fait la rendre. Lisez vite, et voyons si je me puis méprendre. Cette lettre vous surprendra sans doute, et l'on peut trouver bien hardi pour moi, et le dessein de vous l'écrire, et la manière de vous la faire tenir. mais je me vois dans un état à ne plus garder de mesure. La juste horreur d'un mariage dont je suis menacé dans 6 jours me fait hasarder toute chose. Et dans la résolution de m'en affranchir, par quelque voie que ce soit, j'ai cru que je devais plutôt vous choisir que le désespoir. Ne croyez pas pourtant que vous soyez redevable de tout à ma mauvaise destinée. Ce n'est pas la contrainte où je me trouve qui a fait naître les sentiments que j'ai pour vous, mais c'est elle qui en précipite le témoignage et qui me fait passer sur des formalités où la bienséance du sexe oblige. Il ne tiendra qu'à vous que je sois à vous bientôt. Et j'attends seulement que vous m'ayez marqué les intentions de votre amour pour vous faire savoir la résolution que j'ai prise. Mais surtout, songez que le temps presse et que deux cœurs qui s'aiment doivent s'entendre à demi-mot. Eh bien, monsieur le tour est-il original ? Pour une jeune fille, elle n'en sait pas mal. De ces ruses d'amour, la croirait-on capable ? Oh, je la trouve là tout à fait adorable. Ce trait de son esprit et de son amitié accroît pour elle encore mon amour de moitié et joint au sentiment que sa beauté m'inspire. La dupe vient. Songez à ce qu'il vous faut dire. Envoirez-vous encore, monsieur, aux blonds cheveux, avec des boîtes d'or, des billets amoureux ? Vous pensiez bien trouver quelque jeune coquette, friande de l'intrigue et tendre à la fleurette. Vous voyez de quel air on reçoit vos joyaux. Croyez-moi, c'est tirer votre poudre au moineau. Elle est sage, elle m'aime, et votre amour l'outrage. Prenez visée ailleurs et troussez-moi bagage. Oui, oui, votre mérite à qui chacun se rend est à mes yeux, monsieur, un obstacle trop grand. Et c'est folie à moi, dans mon ardeur fidèle, de prétendre avec vous à l'honneur d'Isabelle. Il est vrai, c'est folie. Aussi n'aurais-je pas abandonné mon cœur à suivre ses appas si j'avais pu prévoir que ce cœur misérable dût trouver un rival comme vous, redoutable. Je le crois. Je n'ai garde à présent d'espérer. Je vous cède, monsieur. Et c'est sans murmurer. Vous faites bien. Le droit de la sorte l'ordonne. Et de tant de vertus brille votre personne que j'aurais tort de voir d'un regard de courroux les tendres sentiments qu'Isabelle a pour vous. Cela s'entend. Oui. Oui, je vous quitte la place. Mais je vous prie au moins. Et c'est la seule grâce, monsieur, que vous demande un misérable amant, dont vous seul aujourd'hui causez tout le tourment. Je vous conjure donc d'assurer Isabelle que si depuis 3 mois mon cœur brûle pour elle, cet amour est sans tache et n'a jamais pensé à rien dont son honneur ait lieu d'être offensé. Oui. Que ne dépendant que du choix de mon âme, tous mes desseins étaient de l'obtenir pour femme, si les destins, en vous qui captivez son cœur, n'opposaient un obstacle à cette juste ardeur. Fort bien. Que quoi qu'on fasse, il ne lui faut pas croire que jamais ses appas sortent de ma mémoire. Que, quel carré des cieux qu'il me faille subir, mon sort est de l'aimer jusqu'au dernier soupir. Et que si quelque chose étouffe mes poursuites, c'est le juste respect que j'ai pour vos mérites. C'est parler sagement. Et je vais de ce pas lui faire ce discours qui ne la choque pas. Mais si vous me croyez, tâchez de faire en sorte que de votre cerveau, cette passion sorte. Adieu. La dupe est bonne. Il me fait grand pitié, ce pauvre malheureux trop rempli d'amitié. Mais c'est un mal pour lui de s'être mis en tête de vouloir prendre un fort qui se voit ma conquête. Isabelle! Jamais amant n'a fait tant de troubles éclater au poulet renvoyé sans le décafeter. Il perd toute espérance, enfin, et se retire. Mais il m'a tendrement conjuré de te dire que du moins en t'aimant, il n'a jamais pensé à rien dont ton honneur ait lieu d'être offensé, et que ne dépendant que du choix de son âme, tous ses désirs étaient de t'obtenir pour femme, si les destins, en moi qui captive ton cœur, n'opposaient un obstacle à cette juste ardeur. Que, quoi qu'on puisse faire, il ne te faut pas croire que jamais tes appas sortent de sa mémoire. Que, quel carré des cieux qu'il lui faille subir, son sort est de t'aimer jusqu'au dernier soupir. Et que si quelque chose étouffe sa poursuite, c'est le juste respect qu'il a pour mon mérite. Ce sont ses propres mots. Et loin de le blâmer, je le trouve honnête homme. Et le plaint de t'aimer. Ces feux ne trompent pas ma secrète croyance, et toujours ces regards m'en ont dit l'innocence. Que dis-tu ? Qu'il m'est dur que vous plaigniez si fort un homme que je hais à l'égal de la mort. Et que, si vous m'aimiez autant que vous le dites, vous sentiriez l'affront que me font ces poursuites. Mais il ne savait pas tes inclinations. et par l'honnêteté de ses intentions, son amour ne mérite... Est-ce les avoir bonnes, dites-moi, de vouloir enlever les personnes? Est-ce être homme d'honneur de former des desseins pour m'épouser de force en m'ôtant de vos mains? Comme si j'étais fille à supporter la vie après qu'on m'aurait fait une telle infamie. Comment? Oui, oui. J'ai su que ce traître d'amant parle de m'obtenir par un enlèvement. Et j'ignore, pour moi, les pratiques secrètes qui l'ont instruit si tôt du dessein que vous faites de me donner la main dans 8 jours au plus tard, puisque ce n'est que d'hier que vous m'en fîtes part. Mais il veut prévenir, dit-on, cette journée qui doit à votre sort unir ma destinée. Voilà qui ne vaut rien. Oh, que pardonnez-moi, c'est un fort honnête homme et qui ne sent pour moi... Il a tort et ceci passe la raillerie. Allez, votre douceur entretient sa folie. S'il vous eût vu tantôt lui parler vertement, il craindrait vos transports et mon ressentiment. Car c'est encore depuis sa lettre méprisée qu'il a dit ce dessein qui m'a scandalisé. Et son amour conserve, ainsi que je l'ai su, la croyance qu'il est dans mon cœur bien reçue. Que je fuis votre hymen, quoique le monde en croit, et me verrai tirer de vos mains avec joie. Il est fou. Devant vous, il sait se déguiser, et son intention est de vous amuser. Croyez par ces beaux mots que le traître vous joue. Je suis bien malheureuse, il faut que je l'avoue. Qu'avec tous mes soins pour vivre dans l'honneur et rebuter les vœux d'un lâche suborneur, il faille être exposé aux fâcheuses surprises de voir faire sur moi d'infâmes entreprises. Va, ne redoute rien. Pour moi, je vous le dis, si vous n'éclatez fort contre un trait si hardi et ne trouvez bientôt moyen de me défaire des persécutions d'un pareil téméraire, j'abandonnerai tout et renonce à l'ennui de souffrir les affronts que je reçois de lui. Ne t'afflige point tant. Va, ma petite femme, je m'en vais le trouver et lui chanter sa gamme. Dites-lui bien, au moins, qu'il le nierait en vain. Que c'est de bonne part qu'on m'a dit son dessein. Et qu'après cet avis, quoi qu'il puisse entreprendre, j'ose le défier de me pouvoir surprendre. Enfin, que sans plus perdre et soupirs et moments, il doit savoir pour vous quels sont mes sentiments. Et que si d'un malheur il ne veut être cause, il ne se fasse pas 2 fois dire une chose. Je dirai ce qu'il faut. Mais tout cela d'un ton qui marque que mon cœur lui parle tout de bon. Va, je n'oublierai rien, je t'en donne l'assurance. J'attends votre retour avec impatience. Hâtez-le, s'il vous plaît, de tout votre pouvoir. Je languis quand je suis un moment sans vous voir. Va, pouponne mon cœur, je reviens tout à l'heure. Est-il une personne et plus sage et meilleure? Oh, que je suis heureux et que j'ai de plaisir de trouver une femme au gré de mon désir. Hola, notre galant aux belles entreprises. Monsieur, qui vous ramène en ces lieux? Vos sottises. Comment? Vous savez bien de quoi je veux parler. Je vous croyais plus sage à ne vous rien celer. Vous venez m'amuser de vos belles paroles et conserver sous main des espérances folles. Voyez-vous, j'ai voulu doucement vous traiter, mais vous m'obligerez à la fin d'éclater. N'avez-vous point de honte, étant ce que vous êtes, de faire en votre esprit les projets que vous faites, de prétendre enlever une fille d'honneur et troubler un hymen qui fait tout son bonheur? Qui vous a dit, monsieur, cette étrange nouvelle? Ne dissimulons point. Je la tiens d'Isabelle, qui vous mande par moi pour la dernière fois qu'elle vous a fait voir assez quel est son choix, que son cœur tout à moi d'un tel projet s'offense, qu'elle mourrait plutôt qu'en souffrir l'insolence, et que vous causerez de terribles éclats si vous ne mettez fin à tout cet embarras. S'il est vrai qu'elle ait dit ce que je viens d'entendre, j'avouerai que mes feux n'ont plus rien à prétendre. Par ces mots assez clairs, je vois tout terminé, et je dois révérer l'arrêt qu'elle a donné. Si, vous en doutez donc, et prenez pour des feintes tout ce que de sa part je vous ai fait de plainte. Voulez-vous qu'elle-même elle explique son cœur? J'y consens volontiers pour vous tirer d'erreur. Suivez-moi, vous verrez s'il est rien que j'avance et si son jeune cœur entre nous deux balance. Quoi? Vous me l'amenez? Quel est votre dessein? Prenez-vous contre moi ses intérêts en main? Et voulez-vous, charmé de ses rares mérites, m'obliger à l'aimer et souffrir ses visites? Non, mamie, et ton cœur pour cela m'est trop cher. Mais il prend mes avis pour des comptes en l'air. Crois que c'est moi qui parle et te fais par adresse, pleine pour lui de haine et pour moi de tendresse. Et par toi-même, enfin, j'ai voulu sans retour le tirer d'une erreur qui nourrit son amour. Quoi, mon âme à vos yeux ne se montre pas toute? Et de mes voeux encore, vous pouvez être en doute? Oui, tout ce que monsieur de votre part m'a dit, madame, a bien pouvoir de surprendre un esprit. J'ai douté, je l'avoue. Et cet arrêt suprême qui décide du sort de mon amour extrême doit m'être assez touchant pour ne pas s'offenser que mon cœur par deux fois le fasse prononcer. Non, non. Un tel arrêt ne doit pas vous surprendre. Ce sont mes sentiments qu'il vous a fait entendre. Et je les tiens fondés sur assez d'équité pour en faire éclater toute la vérité. Oui, je veux bien qu'on sache, et j'en dois être cru, que le sort offre ici deux objets à ma vue, qui, m'inspirant pour eux différents sentiments, de mon cœur agité font tous les mouvements. L'un, par un juste choix où l'honneur m'intéresse, a toute mon estime et toute ma tendresse. Et l'autre, pour le prix de son affection, a toute ma colère et mon aversion. La présence de l'un m'est agréable et chère. J'en reçois dans mon âme une allégresse entière. Et l'autre, par sa vue, inspire dans mon cœur de secrets mouvements et de haine et d'horreur. Me voir femme de l'un est toute mon envie. Et plutôt qu'être à l'autre, on m'ôterait la vie. Mais c'est assez montrer mes justes sentiments et trop longtemps languir dans ces rudes tourments. Il faut que ce que j'aime, usant de diligence, fasse à ce que je hais perdre toute espérance, et qu'un heureux hymen affranchisse mon sort d'un supplice, pour moi, plus affreux que la mort. Oui, mignonne, je songe à remplir ton attente. C'est l'unique moyen de me rendre contente. Tu la seras dans peu. Je sais qu'il est honteux aux filles d'expliquer si librement leurs vœux. Point, point. Mais en l'état où sont mes destinées, de telles libertés doivent m'être données. Et je puis, sans rougir, faire un aveu si doux à celui que déjà je regarde en époux. Oui, ma pauvre fanfan, pouponne de mon âme. Qu'il songe donc de grâce à me prouver sa flamme. Oui, tiens, baise ma main. Que, sans plus de soupir, il conclut un hymen qui fait tous mes désirs et reçoive en ce lieu la foi que je lui donne de n'écouter jamais les vœux d'autres personnes. Mon petit nez, pauvre petit bouchon, tu ne languiras pas longtemps, je t'en réponds. Va, chut. Vous le voyez, je ne lui fais pas dire. Ce n'est qu'après moi seul que son âme respire. Eh bien, madame, eh bien, c'est s'expliquer assez. Je vois par ce discours de quoi vous me pressez. Et je saurai dans peu vous ôter la présence de celui qui vous fait si grande violence. Vous ne me sauriez faire un plus charmant plaisir. Car enfin, cette vue est fâcheuse à souffrir. Elle m'est odieuse et l'horreur est si forte. Vous offensais-je en parlant de la sorte? Fais-je... Mon Dieu, Nenny, je ne dis pas cela, mais je plains sans mentir l'état où le voilà, et c'est trop hautement que ta haine se montre. Je n'en puis trop montrer en pareille rencontre. Oui, vous serez contente, et dans 3 jours, vos yeux ne verront plus l'objet qui vous est odieux. À la bonne heure. Adieu. Je plains votre infortune, mais... Non, vous n'entendrez de mon cœur plainte aucune. Madame, assurément, rend justice à tous deux. Et je vais travailler à contenter ses voeux. Adieu. Pauvre garçon, sa douleur est extrême. Tenez, embrassez-moi. C'est un autre elle-même. Oh, oh. Je le tiens fort à plaindre. Allez, il ne l'est point. Au reste, ton amour me touche au dernier point, mignonnette. Et je veux qu'il ait sa récompense. C'est trop que de 8 jours pour ton impatience. Dès demain, je t'épouse et n'y veux appeler... Dès demain? Par pudeur, tu feins d'y reculer. Mais je sais bien la joie où ce discours te jette et tu voudrais déjà que la chose fût faite. Mais... Pour ce mariage, allons tout préparer. Oh, ciel, inspire-moi ce qui peut le parer. Le trépas 100 fois me semble moins à craindre que cet hymen fatal où l'on veut me contraindre. Et tout ce que je fais pour enfuir les rigueurs doit trouver quelque grâce auprès de mes censeurs. Le temps presse, il fait nuit. Allons, sans crainte aucune, à la foi d'un amant, commettre ma fortune. Je reviens, et l'on a pour demain, de ma part. Oh, ciel! C'est toi, mignonne. Où vas-tu donc si tard? Tu disais qu'en ta chambre étant un peu lassée, tu t'allais renfermer lorsque je t'ai laissée. Et tu m'avais prié même que mon retour t'y souffrit en repos jusqu'à demain jour. Il est vrai, mais... Et quoi? Vous me voyez confuse et je ne sais comment vous en dire l'excuse. Quoi donc? Que pourrait-ce être? Un secret surprenant. C'est ma sœur qui m'oblige à sortir maintenant et qui, pour un dessein dont je l'ai fort blâmé, m'a demandé ma chambre où je l'ai renfermée. Comment? L'eût-on pu croire? Elle aime cet amant que nous avons banni. Valère? Éperdument. C'est un transport si grand qu'il n'en est point de même. Et vous pouvez juger de sa puissance extrême, puisque seule, à cette heure, elle est venue ici me découvrir à moi son amoureux souci. Me dire absolument qu'elle perdra la vie si son âme n'obtient l'objet de son envie. Que depuis plus d'un an, d'assez vives ardeurs dans un secret commerce entretenaient leur cœur. Et que même ils s'étaient, leur flamme étant nouvelle, donnés de s'épouser une foi mutuelle. La vilaine. Qu'ayant appris le désespoir où j'ai précipité celui qu'elle aime avoir, elle vient me prier de souffrir, que sa flamme puisse rompre un départ qui lui percerait l'âme. Entretenir ce soir cet amant sous mon nom, par la petite rue où ma chambre répond. Lui peindre, d'une voix qui contrefait la mienne, quelques doux sentiments dont l'appât le retienne, et ménager enfin pour elle, adroitement, ce que pour moi l'on sait qu'il a d'attachement. Et tu trouves cela... Moi ? J'en suis courroucée. Quoi, ma sœur, ai-je dit ? Êtes-vous insensée ? Ne rougissez-vous point d'avoir pris tant d'amour pour ces sortes de gens qui changent chaque jour, d'oublier votre sexe, et tromper l'espérance d'un homme dont le ciel vous donnait l'alliance? Il le mérite bien, et j'en suis fort ravi. Enfin, de 100 raisons, mon dépit s'est servi pour lui bien reprocher des bassesses si grandes, et pouvoir cette nuit rejeter ses demandes. Mais elle m'a fait voir de si pressants désirs, a tant versé de pleurs, tant poussé de soupirs, tant dit qu'au désespoir je porterais son âme si je lui refusais ce qu'exige sa flamme, qu'à céder, malgré moi, mon cœur s'est vu réduit. Et pour justifier cette intrigue de nuit où me faisait du sang relâcher la tendresse, j'allais faire avec moi venir coucher Lucrèce, dont vous me vantez tant les vertus chaque jour. Mais vous m'avez surprise avec ce prompt retour. Non, non, je ne veux point chez moi tout ce mystère. J'y pourrais consentir à l'égard de mon frère, mais on peut être vu de quelqu'un de dehors, et celle que je dois honorer de mon corps non seulement doit être épudique et bien née, il ne faut pas que même elle soit soupçonnée. Allons chasser l'infâme et de sa passion. Oh, vous lui donneriez trop de confusion. Et c'est avec raison qu'elle pourrait se plaindre du peu de retenue où j'ai su me contraindre. Puisque de son dessein je dois me départir, attendez que du moins je la fasse sortir. Et bien fait. Mais surtout, cachez-vous, je vous prie, et sans lui dire rien, daignez voir sa sortie. Oui, pour l'amour de toi, je retiens mes transports. Mais dans le même instant qu'elle sera dehors, je veux sans différer aller trouver mon frère. J'aurai joie à courir lui dire cette affaire. Je vous conjure donc de ne me point nommer. Bonsoir, car tout d'un temps, je vais me renfermer. Jusqu'à demain, mamie. Quelle impatience! Suis-je de voir mon frère et lui conter sa chance? Il en tient le bonhomme avec tout son Phébus, et je n'en voudrais pas tenir 20 bons écus. Oui, de vos déplaisirs, la teinte m'est sensible, mais ce que vous voulez, ma sœur, m'est impossible. Mon honneur qui m'est cher y court trop de hasard. Adieu! Retirez-vous avant qu'il soit plus tard. La voilà qui, je crois, peste de belle sorte. De peur qu'elle revînt, fermons à clé la porte. Elle, dans mes desseins, ne m'abandonnait pas. Où pourra-t-elle aller? Suivons un peu ses pas. Dans mon trouble, du moins, la nuit me favorise. Au logis du galant? Quelle est son entreprise? Oui, oui, je veux tenter quelque effort cette nuit pour parler. Qui va là? Ne faites point de bruit, Valère. On vous prévient, et je suis Isabelle. Vous en avez menti, chienne. Ce n'est pas elle. De l'honneur que tu fuis, elle sait trop les lois, et tu prends faussement et son nom et sa voix. Mais à moins de vous voir par un saint Hyménée... Oui, c'est l'unique but où tend ma destinée. Et je vous donne ici ma foi que dès demain, je vais où vous voudrez recevoir votre main. Pauvre sot qui s'abuse. Entrez en assurance. De votre argus dupé, je brave la puissance. Et devant qu'il vous pût ôter à mon ardeur, mon bras de 1000 coups lui percerait le cœur. Je te promets bien que je n'ai pas envie de te l'ôter. L'infâme à tes feux asservi. Que du don de ta foi, je ne suis point jaloux. Et que si j'en suis cru, tu seras son époux. Oui, faisons-le surprendre avec cet effronté. La mémoire du père à bon droit respecté, jointe au grand intérêt que je prends à la sœur, veut que du moins on tâche à lui rendre l'honneur. Hola ! Qu'est-ce ? Salut, monsieur le commissaire. Votre présence en robe est ici nécessaire. Suivez-moi, s'il vous plaît, avec votre clarté. Nous sortions. Il s'agit d'un fait assez raté. Quoi ? D'aller là-dedans et d'y surprendre ensemble deux personnes qu'il faut qu'un bon humain assemble. C'est une fille à nous que, sous un don de foi, un Valère a séduite et fait entrer chez soi. Elle sort de famille et noble et vertueuse, mais... Si c'est pour cela, la rencontre est heureuse, puisqu'ici nous avons un notaire. Monsieur ? Oui, notaire royal. De plus, homme d'honneur. Cela s'en va sans dire. Entrez dans cette porte et sans bruit, ayez l'œil que personne n'en sorte. Vous serez pleinement contenté de vos soins, mais ne vous laissez pas graisser la patte au moins. Comment ? Vous croyez donc un homme de justice ? Ce que j'en dis n'est pas pour taxer votre fils. Je vais faire venir mon frère promptement. Faites que le flambeau m'éclaire seulement. Je vais le réjouir, cet homme sans colère. Hola ! Qui frappe ? Ah ah ! Que voulez-vous, mon frère ? Venez, beau directeur, suranné damoiseau. On veut vous faire voir quelque chose de beau. Comment ? Je vous apporte une bonne nouvelle. Quoi ? Votre Léonore, où, je vous prie, est-elle ? Pourquoi cette demande ? Elle est, comme je crois, au bal chez son ami. Oui, oui, suivez-moi. Vous verrez à quel bal la donzelle est allée. Que voulez-vous conter ? Vous l'avez bien stylé. Il n'est pas bon de vivre en sévère censeur. On gagne les esprits par beaucoup de douceur. Et les soins défiants, les verrous et les grilles ne font pas la vertu des femmes ni des filles. Nous les portons au mal par tant d'austérité. Et leur sexe demande un peu de liberté. Vraiment ! Elle en a pris tout son sou, la rusée. Et la vertu chez elle est fort humanisée. Où veut donc aboutir un pareil entretien ? Allez, mon frère aîné, cela vous sied fort bien. Et je ne voudrais pas pour 20 bonnes pistoles que vous n'eussiez ce fruit de vos maximes folles. On voit ce qu'en deux sœurs nos leçons ont produit. L'une fuit ce galant et l'autre le poursuit. Si vous ne me rendez cette énigme plus claire... L'énigme est que son bal est chez Monsieur Valère. Que de nuit, je l'ai vu y conduire ses pas. Et qu'à l'heure présente, elle est entre ses bras. Qui ? Léonore ? Cessons de railler, je vous prie. Je raille. Il est fort bon avec sa raillerie. Pauvre esprit. Je vous dis et vous redis encore que Valère, chez lui, tient votre Léonore et qu'il s'était promis une foi mutuelle avant qu'il eût songé de poursuivre Isabelle. Ce discours d'apparence est si fort dépourvu. Il ne le croira pas encore en l'ayant vu. J'en rage. Par ma foi, l'âge ne sert de guère quand on n'a pas cela. Quoi, voulez-vous, mon frère ? Mon Dieu, je ne veux rien. Suivez-moi seulement. Votre esprit tout à l'heure aura contentement. Vous verrez si j'impose et si leur foi donnée n'avait pas joint leur cœur depuis plus d'une année. L'apparence qu'ainsi, sans m'en faire avertir, à cet engagement elle eût pu consentir. Moi qui, dans toute chose, ai depuis son enfance montré toujours pour elle entière complaisance et qui, cent fois, ai fait des protestations de ne jamais gêner ses inclinations. Enfin, vos propres yeux jugeront de l'affaire. J'ai fait venir déjà commissaire et notaire. Nous avons intérêt que l'hymen prétendu répare sur le champ l'honneur qu'elle a perdu, car je ne pense pas que vous soyez si lâche de vouloir l'épouser avec cette tâche. Si vous n'avez encore quelques raisonnements pour vous mettre au-dessus de tous les bernements. Moi, je n'aurai jamais cette faiblesse extrême de vouloir posséder un cœur malgré lui-même. Mais je ne saurais croire, enfin... Que de discours, allons, ce procès-là continuerait toujours. Il ne faut mettre ici nulle force en usage, messieurs. Et si vos vœux ne vont qu'au mariage, vos transports en ce lieu se peuvent apaiser. Tous deux également tendent à s'épouser. Et Valère, déjà... Sur ce qui vous regarde, a signé que pour femme, il tient celle qu'il garde. La fille... est renfermée et ne veut point sortir que vos désirs ou leurs ne veuillent consentir. Non, messieurs, et personne ici n'aura l'entrée que cette volonté ne m'ait été montrée. Vous savez qui je suis, et j'ai fait mon devoir en vous signant l'aveu qu'on peut vous faire voir. Si c'est votre dessein d'approuver l'alliance, votre main peut aussi m'en signer l'assurance. Sinon... faites état de m'arracher le jour plutôt que de m'ôter l'objet de mon amour. Non, nous ne songeons pas à vous séparer d'elle. Il ne s'est pas encore détrompé d'Isabelle. Profitons de l'erreur. Mais est-ce Léonore ? Taisez-vous. Mais... paix donc. Je veux savoir. Encore ? Vous tairez-vous, vous dis-je. Enfin, quoi qu'il advienne, Isabelle a ma foi. J'ai de même la sienne. Et il ne suis point un choix à tout examiner que vous soyez reçus à faire condamner. Ce qu'il dit là n'est pas... taisez-vous. Et pour cause, vous saurez le secret. Oui, sans dire autre chose, nous consentons tous deux que vous soyez l'époux de celle qu'à présent on trouvera chez vous. C'est dans ces termes-là que la chose est conçue. Et le nom est en blanc pour ne l'avoir point vu. Signé, La fille, après, vous mettra tous d'accord. J'y consens de la sorte. Et moi, je le veux fort. Nous rirons bien tantôt. Là, signez donc, mon frère. L'honneur vous appartient. Mais quoi, tout ce mystère? Diantre que de façon signée, pauvre Butor. Il parle d'Isabelle et vous de Léonore. N'êtes-vous pas d'accord, mon frère, si c'est elle de les laisser tous deux à leur foi mutuelle? Sans doute. Signez donc, j'en fais de même aussi. Soit, je n'y comprends rien. Vous serez éclairci. Nous allons revenir. Or ça, je vais vous dire la fin de cette intrigue. Oh, l'étrange martyr! Que tous ces jeunes fous me paraissent fâcheux. Je me suis dérobée au bal pour l'amour d'eux. Chacun d'eux près de vous veut se rendre agréable. Et moi, je n'ai rien vu de plus insupportable. Je préférerais le plus simple entretien à tous les contes bleus de ces 10 heures de rien. Ils croient que tout cède à leur perruque blonde et pensent avoir dit le meilleur mot du monde lorsqu'ils viennent d'un ton de mauvais goguenard vous railler sottement sur l'amour d'un vieillard. Et moi, d'un tel vieillard, je prise plus le zèle que tous les beaux transports d'une jeune cervelle. Mais n'aperçois-je pas? Oui, l'affaire est ainsi. Ah, je la vois paraître. Et la servante aussi. Léonore, sans courroux, j'ai sujet de me plaindre. Vous savez, si jamais j'ai voulu vous contraindre, et si plus de 100 fois je n'ai pas protesté de laisser à vos voeux leur pleine liberté. Cependant, votre cœur, méprisant mon suffrage, de foi comme d'amour, à mon insu, s'engage. Je ne me repens pas de mon doux traitement. Mais votre procédé me touche assurément, et c'est une action que n'a pas méritée cette tendre amitié que je vous ai portée. Je ne sais pas sur quoi vous tenez ce discours, mais croyez que je suis de même que toujours, que rien ne peut pour vous altérer mon estime, que toute autre amitié me paraîtrait un crime, et que si vous voulez satisfaire mes voeux, un saint nœud dès demain nous unira tous deux. Dessus quel fondement venez-vous donc, mon frère? Quoi? Vous ne sortez pas du logis de Valère? Vous n'avez point compté vos amours aujourd'hui? Et vous ne brûlez pas depuis un an pour lui? Qui vous a fait de moi de si belles peintures et prend soin de forger de telles impostures? Ma sœur, je vous demande un généreux pardon si de mes libertés j'ai taché votre nom. Le pressant embarras d'une surprise extrême m'a tantôt inspiré ce honteux stratagème. Votre exemple condamne un tel emportement, mais le sort nous traite à nous deux diversement. Pour vous, je ne veux pas, monsieur, vous faire excuse. Je vous sers beaucoup plus que je ne vous abuse. Le ciel, pour être joint, ne nous fit pas, tous deux. Je me suis reconnue indigne de vos voeux. Et j'ai bien mieux aimé me voir aux mains d'un autre que ne pas mériter un cœur comme le vôtre. Pour moi, je mets ma gloire et mon bien souverain à la pouvoir, monsieur, tenir de votre main. Mon frère, doucement il faut boire la chose. D'une telle action, vos procédés sont cause. Et je vois votre sort malheureuse à ce point que, vous sachant dupé, l'on ne vous plaindra point. Par ma foi, je lui sais bon gré de cette affaire. Et ce prix de ses soins est un trait exemplaire. Je ne sais si ce trait le doit faire estimer, mais je sais bien qu'au moins je ne le puis blâmer. Au sort d'être cocu, son ascendant l'expose, et ne l'être qu'en herbe est pour lui douce chose. Non. Je ne puis sortir de mon étonnement. Cette déloyauté confond mon jugement. Et je ne pense pas que Satan en personne puisse être si méchant qu'une telle friponne. J'aurais pour elle au feu mis la main que voilà. Malheureux qui se fie à femme après cela. La meilleure est toujours en malice féconde. C'est un sexe engendré pour damner tout le monde. J'y renonce à jamais à ce sexe trompeur, et je le donne tout au diable de bon cœur. Bon, allons tous chez moi. Venez, seigneur Valère, nous tâcherons demain d'apaiser sa colère. Vous, si vous connaissez des maris loups-garous, envoyez-les au moins à l'école chez nous. Vous venez d'entendre l'école des maris, comédie en 3 actes en vers de Molière. Avec messieurs Georges Chamarras, Ganarel, Marcel Lemarchand, un notaire, Le Goff, un commissaire, Georges Vitré, Ariste, Pierre Gallon, Valère, Jean Piat, Ergaste, mesdames Gisèle Casatsu, Lisette, Yvonne Godot, Léonore, Lise Delamarre, Isabelle. Ainsi se termine, mesdames, messieurs, notre matinée classique donnée avec le concours de la Société des comédiens français sous la direction artistique de Jacques Régnier. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement Don Juan ou le Festin de Pierre, 5 actes en prose de Molière et L'école des maris, 3 actes en vers de Molière.